بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Et donc après cette pause, on continue notre série de cours. Maintenant, les fondements de la sunna d'Imam Ahmed rahimahullah. Et on était arrivé à la parole de l'imam qui nous dit wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu kama jaa fi al khabar akmalu al mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Et donc il nous dit l'imam Ahmed rahimahullah, et la foi est une, et donc dans les fondements de la foi, dans les fondements de la sunna, dans les fondements des gens de la sunna, il y a la foi, il y a le fait que la foi soit une parole et un acte. Elle augmente et elle diminue. Est-ce que cette parole, elle est conforme à ce qu'on a vu pendant le séminaire? Quelle définition on a vu concernant la foi pendant le séminaire? Qui me donne la définition de la foi? Ici, l'imam Ahmed nous dit, une parole et un acte, elle augmente, elle diminue. C'est pareil? C'est correct. Non, je n'ai pas demandé si c'est correct. Ah, j'ai demandé si c'est pareil. En tout cas, dans la définition, il y a le fait que c'est dans le cœur et dans les actes aussi. Mais ici, dans la foi, enfin, dans... il n'y a pas à citer le cœur, il y a marqué Korlun, Wahamel, parole et acte. Alors, avec les obéissances, il y a la niya aussi. Oui, mais ici, donc on a cité, on avait cité pendant le séminaire 5 points: parole, acte, augmentation, diminution et le cœur, la croyance du cœur. Ici, on a parole, acte, augmentation, diminution. Mm-hmm. Il manque l'attention. Est-ce que c'est pareil alors? L'attention. Il manque pas l'attention. Et donc, c'est le cœur, la croyance du cœur. Okay. Est-ce que cette parole de l'imam Ahmed, elle est contraire à ce qu'on a vu dans le séminaire? Non, elle n'est pas contraire. Il faut comprendre ce qu'il veut l'imam Ahmed. Ce qui est voulu ici, quand il nous dit « Kaolun », la parole, elle englobe la parole de la langue ainsi que la parole du cœur. Quelle est la parole du cœur? La ilaha illallah, la parole qui te fait rentrer dans l'islam. Il faut que tu aies cette parole-là dans ton cœur. Et quand il nous dit les actes, les membres, quand il nous dit les actes, ça englobe les actes des membres que tu vas faire, avec tes membres, et ça implique les actes du cœur. Et tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, le fait de craindre Allah, etc. Tout ça, ça fait partie des actes du cœur. Et donc, cette parole de l'imam Ahmed n'est pas contraire à ce qu'on a vu pendant le séminaire, parce que ça englobe le cœur, la parole et les actes. Les trois sont cités ici. Et ensuite, cette foi qui va augmenter et qui va diminuer. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Il nous dit l'imam Ahmed, rahimahullah, comme cela a été cité dans les textes, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa » Les meilleurs, les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et donc, on voit ici que les croyants se distinguent dans la foi. Il y en a qui ont une foi complète, ceux qui ont une foi moins complète. Et donc cette foi qui va augmenter et qui va diminuer en fonction des agissements de chacun. Quels sont les groupes qui ont dévié dans ce sujet? Normalement, aujourd'hui, c'est vous qui faites le cours, normalement. Hein? On a vu... Les paroles, les actes. On a vu Al-Murji'a. Quelle est la croyance des Murji'a? On a vu plusieurs branches parmi les Murji'a. Khawarij. Le Khawarij, c'est autre chose, c'est l'opposé. Al-Murji'a, eux, ce sont eux ceux qui vont te dire que la foi, ou du moins les actes ne font pas partie de la foi. Les actes ne font pas partie de la foi. Et donc la foi, c'est dans le cœur. On a vu que certains vont dire que la foi, c'est la croyance, juste le fait de croire. Hein? Juste le fait de croire en Allah. Ça suffit pour avoir la foi. Certains vont nous dire que la croyance, c'est la parole. Et donc, celui qui va te dire « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », ça suffit, même s'il n'a pas la croyance dans le cœur. Et on a dit que ça, avec cette définition, on a dit que les hypocrites eux-mêmes sont croyants, si tu dis ça. Et ainsi de suite. Mais les Murji'a, tous, ils sont unanimes sur le fait que les œuvres ne font pas partie de la foi. Les œuvres ne font pas partie de la foi. Soit c'est, ça, c'est contraire à la croyance de Ahlus Sunnah. De l'autre côté, on a les Khawarij. Les Khawarij, eux, ils vont te dire que la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Les Murji'a aussi, ils vont dire ça, par contre. Les Murji'a aussi, ils vont dire que la foi n'augmente pas, elle ne diminue pas. On a tous celui qui a la foi. On est tous comme Jibril. Même le plus pervers, il est, à partir du moment où il prétend avoir la foi, il a la même foi que Jibril, la même foi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La foi n'augmente pas, ne diminue pas. Chez les Khawarij, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Qu'est-ce qui est voulu par là? À partir du moment où la personne elle fait un péché, elle sort de la foi. La personne qui va faire un grand péché, elle sort de l'islam. Elle ne fait plus partie des croyants. Chez les Khawarij. Chez les Murji'a, tu peux faire les péchés que tu veux, tu ne vas pas sortir. Parce que tu prétends avoir la foi. D'accord? Et donc ça c'est... Et on a entre les deux, on a Ahlu Sunnati wal Jama'a. Comme on a vu pendant le séminaire. Et donc ceux qui veulent réviser, vous pouvez réviser ce qu'on a vu dans le séminaire. Barakallahu fikoum. Ensuite l'imam Ahmed qui nous dit, rahimahullah, وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ. Et celui qui délaisse la prière aura mécru. وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةِ. Et il n'y a parmi les œuvres aucune œuvre délaissée qui entraîne la mécréance en dehors de la prière. Et donc le fait de délaisser une œuvre entraîne la mécréance. Quelle est cette œuvre qu'on délaisse? Que si on la délaisse, cela entraîne la mécréance. C'est la prière. Il nous dit « Man tarakaha fahuwa kafir » Celui qui la délaisse, alors c'est un incroyant. Barakallahu fikoum. On a dit que lorsqu'on étudie ce sujet, lorsqu'on étudie ce livre, les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, ou alors la Muqaddima d'Ibn Abi Zayd al-Kirawani qu'on a vu pendant le séminaire, lorsqu'on étudie la croyance de manière générale, on étudie des sujets d'unanimité. On étudie des sujets sur lesquels les premières générations de l'islam étaient unanimes. Ici, barakallahu fikoum, concernant la prière, il y a une divergence. Ce sujet-là, le sujet de la prière, c'est un sujet où il y a une divergence. Quand je dis qu'il y a une divergence, quelle est la divergence? Barakallahu fikoum. Premièrement, les savants sont unanimes sur le fait que la prière est une obligation. Les savants sont unanimes sur le fait que la prière est obligatoire. Mais maintenant, c'est quelle prière qui est obligatoire? Quelle prière qui est obligatoire? Ici, on a une divergence. Donc, Mustapha qui nous dit 5 prières. Ça, c'est l'avis de Jumhur, la majorité des savants. L'imam Malik, Shafi'i, Ahmed. Eux, ils voient que les prières, ce qui est voulu par les prières obligatoires, ce sont les 5 prières obligatoires connues qu'on fait tous les jours. Et leur preuve en cela, ce sont les paroles claires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, 5 prières qu'Allah a rendues obligatoires par jour et par nuit. Il y a aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque un bédouin est venu le voir, comme dans As-Sahihain, Sahih al-Bukhari et Muslim. Et un bédouin qui est venu le voir, qui lui a demandé concernant ses obligations. Alors, le prophète lui a cité la prière, le jeûne, la zakat. Et lorsqu'il lui a cité la prière, le prophète lui a dit « Khamsu salawat » 5 prières par jour et nuit. 5. Alors l'homme, il lui a dit « Est-ce que j'ai autre que cela ?»« Hel wa hel alayya ghayruha » Est-ce que j'ai autre que celle-ci, les 5? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « La illa antatawwa » Non, sauf si tu le fais de manière surérogatoire. Et donc non, tu n'as pas de prière obligatoire en dehors de ces 5-là, sauf si tu le fais de manière surérogatoire. Et donc ces preuves-là, et d'autres preuves, elles sont nombreuses des preuves, qui montrent qu'on a ces cinq prières-là qui nous sont obligatoires. Et que c'est ce qui est voulu par la prière obligatoire. On a l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Lui, il voit qu'il y a ces cinq prières, mais qu'il y a en plus la prière du witr. Selon l'école hanafite, elle est obligatoire. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Certes, Allah vous a rajouté une prière. » Certes, Allah vous a rajouté une prière. Elle est meilleure pour vous que les chamelles rousses. Les chamelles rousses, ce sont des éléments qui avaient le plus de valeur pour les Arabes. Et donc, elle est meilleure pour vous que les chamelles rousses. Il vous la placé entre le Isha, Ila Tulu El Fajr, jusqu'à l'apparition du Fajr. Et donc, ça, c'est le temps de El Witr. Ensuite, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salatul Witri. Et donc, il dit la prière du Witr. Ou alors, El Witr ou l'Witr. Et donc, ils se sont basés sur cette preuve-là pour dire que le Witr est obligatoire. Le fait que Allah nous a rajouté une prière. El Jumhur. La majorité des savants, ils ont répliqué. Ils disent non. Ça, ce n'est pas une preuve qui montre que le witr est obligatoire. Pourquoi ? Parce que le fait de rajouter une prière, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est obligatoire. C'est rajouter une prière à toutes les prières obligatoires et les prières surérogatoires. Et donc, juste le rajout en lui-même ne suffit pas pour dire que la prière est obligatoire. La preuve est qu'il y a un hadith authentique, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, certes, Allah vous a rajouté une prière. Il vous a rajouté deux raka'at. Raka'at et il fajr, les deux unités du fajr, ici la sunna du fajr. Et certes, il n'y a aucun savant qui se base sur ce hadith pour dire que la sunna du fajr est obligatoire. Même les hanafites, ils ne disent pas que la sunna du fajr est obligatoire. Et donc, à partir de là, le rajout ne veut pas forcément dire que c'est une obligation. C'est-à-dire que c'est une prière qui a été rajoutée à toutes les prières que nous faisons parmi les prières obligatoires et les prières surérogatoires. Et donc les autres preuves, les preuves de Jumhur, elles montrent clairement, barakallahu fikoum, qu'il y a cinq prières obligatoires. Et donc, lorsque l'imam Ahmed, rahimahullah, il nous dit, celui qui délaisse la prière à mécruit, ce qui est voulu par là, ce sont ces cinq prières-là. Tayyib, est-ce que c'est une unanimité, le fait de dire que celui qui délaisse la prière, il a mécruit ? Non, ce n'est pas une unanimité. Ce n'est pas une unanimité. Il y a aussi divergence ici sur ce sujet. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. Sur le fait que celui qui délaisse la prière, il est sanctionné. Ils sont tous d'accord là-dessus. Même s'ils divergent sur la sanction. Mais maintenant, ils divergent sur le fait, est-ce que cette personne qui délaisse la prière, elle est mécréante ou pas ? Et donc, on a d'un côté, on a l'imam Malik, Shafi, Abu Hanifa. Les trois, ils disent que non, c'est pas le fait de délaisser la prière. Attention ici, quand on parle du fait de délaisser la prière, on parle de celui qui la délaisse. Tahawunan, celui qui la délaisse. Donc, je ne parle pas d'intentionnel, puisque dans tous les cas, c'est intentionnel. Celui qui délaisse la prière, mais par négligence. On ne parle pas de celui qui délaisse la prière en disant qu'elle n'est pas obligatoire. Celui qui délaisse la prière en disant qu'elle n'est pas obligatoire, ça c'est unanimité. Il est sorti de l'islam. Il n'y a pas de divergence sur lui. Il nous dit la prière, pourquoi, on lui dit pourquoi tu ne pries pas ? Il dit mais ce n'est pas obligatoire la prière, la foi c'est dans le cœur, etc., etc. Unanimité, il est sorti de l'islam. Maintenant, celui qui nous dit, non, oui, je sais, la prière, elle est obligatoire, mais qu'elle la facilite, vous savez, j'ai mon travail, j'ai ci, j'ai ça, etc. C'est sur ce cas-là qu'il y a divergence. Ici, donc, on a dit, ils sont unanimes sur le fait que celui qui délaisse la prière en rejetant son caractère obligatoire, il est sorti de l'islam. Ils divergent concernant celui qui délaisse la prière, mais qui dit qu'elle est obligatoire. il la délaisse par faiblesse ou autre. L'imam, donc les trois imams, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, ils voient que cette personne ne sort pas de l'islam. Elle est sanctionnée, mais elle ne sort pas de l'islam. Ça, c'est l'avis de ces trois imams. L'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah, c'est qu'il sort de l'islam. L'épreuve de Al-Jumhur, la majorité des savants, c'est que ce sont les preuves générales, les textes, les preuves générales qui montrent que la personne ne sort pas de l'islam à cause d'un péché qu'elle fait. Comme le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, dans le Coran, on a vu parmi donc, la définition de la foi pendant le séminaire, on a vu que le tueur dans le Coran, celui qui tue son frère, eh bien, dans le Coran, le tueur est considéré comme étant le frère de celui qui l'a tué. Celui qui tue son frère en islam. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas fait sortir de la fraternité de la foi. Et donc, il reste son frère. Et donc, le péché de la personne ne l'a pas fait sortir de la foi. Et donc, il se base sur des textes généraux comme ceci pour montrer que le péché ne fait pas la personne sortir de la foi. Et donc, si elle délaisse la prière, ça ne la fait pas sortir de la foi. L'imam Ahmed, rahimahullah, lui, il se base sur le hadith de Bourayda ibn Hussein, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Al-ahdu alladhi baynana wa baynahumus salat, faman tarakaha faqad kafar » Le pacte qu'il y a entre eux et nous est la prière. Et donc, celui qui la délaisse aura mécru. Celui qui la délaisse aura mécru. Il y a aussi la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Jabir, aussi. Donc, celui-là dans Sahih Muslim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Bayna rajuli wa al-kufr tarku salat » Certes, il y a entre l'homme et la mécréance, il y a le fait de délaisser la prière. Il y a entre l'homme et la mécréance le fait de délaisser la prière. Et la vie le plus juste ici, barakallahu fikum, c'est la vie de l'imam Ahmed. C'est la vie de l'imam Ahmed, rahimahullah. La vie le plus juste, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, c'est la vie de l'imam Ahmed. Mais concernant le cas de ceux qui délaissent la prière, il suffit, c'est suffisant, juste le fait de savoir que les savants musulmans ont divergé sur ce cas-là, ça te suffit pour ne pas délaisser la prière. Les savants, ils divergent sur le fait que cette personne, est-ce qu'elle est musulmane ou pas. Rien que ça, normalement, ça te suffit pour ne pas délaisser la prière. Tu ne veux pas te retrouver dans cette divergence-là. Est-ce que je suis musulman ou je ne suis plus musulman? Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, mon cher frère, qu'on s'accroche à la prière. C'est la première chose sur laquelle on sera interrogé au jour de la résurrection. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Je peux poser la question? Vas-y, pose la question. Donc le verset, il dit « Malheur à ceux qui négligent leur prière ». Est-ce que c'est seulement le cas du… Donc négliger la prière, ça veut dire ne pas prier? Ou ça veut dire prier en retard, etc. Alors, quand on revient au tafsir de ce verset, Wailun lil musallin, malheur aux prieurs, alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui sont sahun concernant la prière. Es-sahu, c'est la distraction. Et donc, ici, est-ce que ce qui est voulu, donc c'est malheur à ceux qui sont distraits pendant la prière, et donc, ils sont en train de prier, et pendant la prière, ils sont en train de penser à ce soir, il y a un bon repas qui nous attend à la maison, il y a ça, il y a ça, il y a le pain au chocolat qui est en train de chauffer, etc., etc., etc. Ou alors, qu'est-ce qui est voulu par là? Ibn Abbas, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une belle parole. Il a dit, Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah. Celui qui a dit malheur à ceux qui sont distraits de la prière, et il n'a pas dit malheur à ceux qui sont distraits pendant la prière. Il a dit, An salatihim sahun. Et donc ils sont distraits de la prière. Il n'a pas dit fi salatihim sahun. Distraits pendant la prière, dans la prière. Et ce qui est voulu donc par distrait de la prière, c'est exactement ce qu'on a vu pendant le cours. C'est-à-dire, ce sont ceux qui vont être occupés par autre chose et qui vont délaisser la prière. D'accord ? Il va délaisser sa prière. On lui dit la salat, ouais, ouais, je vais la faire. Et il est distrait par autre chose, etc., etc., jusqu'à ce que le temps de la prière y passe. Ou alors, je n'ai pas le temps de faire la prière. Je vais d'abord finir mon travail, sinon mon patron va me virer. Etc., etc., etc. Donc, c'est etc. pas celui qui prie pas. C'est celui qui ne prie pas. C'est celui, on va dire quelqu'un, il prie, mais tous les jours, il prie, Aïcha, il prie les 5 prières. Voilà. Ce qui est voulu dans ce verset, ça va être celui qui ne prie pas du tout et celui qui retarde sa prière, qui l'a fait sortir de son temps. Les deux, ils sont distraits de la prière. Celui qui va rester au travail, et oh, après l'Aïcha, il rattrape toutes ses prières. Oui, il est le moussalin, il est le moussalin, il est le moussalin. D'accord ? Donc voilà, on arrête pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wa faqallahu jamia lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.